Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Oh, c'était spontané, j'ai bien aimé. Non, pas du tout, ça fait vachement longtemps qu'on parle. Ouais, mais c'est le montage, ils sauront pas les gens. Okay. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas publié un floatcast. Je suis très content de revenir. Et Daniel fait des grimaces, donc à l'audio, c'est moins bien. Je suis très content de revenir et on a encore 4 invités. Je suis entouré de Clara Kane. Bonjour. Bonsoir. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va pas trop mal, toi? Tu étais dans la première émission, oui. Pour rappel, tu écris, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas très vite. Eh ben, je suis dans la vie civile, avocat padawan, et dans la vie de l'internet, j'écris des articles cinéma très bêtes pour Golden Moustache. Très bien. Nous sommes avec Vanessa Bria. Bonjour. Bonsoir Vanessa Bria. Bonsoir. Présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est la première fois que tu viens ici. Eh oui, c'est la première fois, je suis vraiment très contente. Oh oui, c'est excellent. Elle n'a jamais écouté le podcast, okay, donc elle ne peut pas être contente. Je suis mal à l'aise. Donc présente-toi pour les gens. Alors, je suis directrice de production de Studio Bagel, allez, entre autres. Sinon, je fais plein d'autres choses. On t'a vu, par exemple, dans certains sketchs, tu étais au Golden Show. Le fantôme de merde. Dans le fantôme de merde de Suri 4. Et dans une petite série qui s'appelle... Le visiteur du futur, oh, et la théorie du Bowles. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens plus. C'est vraiment un très joli duo que Adrien Méniel et toi. Ouais. Vous finissez vos phrases, c'est vraiment on, cool. On est Charlie et Dino. Dino. Donc ouais, le visiteur du futur saison 4, ouais. Et la théorie des Bowles, effectivement. Oui. Dans lequel on voit ta culotte. C'est ça, on voit ma chatte. Ah, mais oui, j'ai vu ça. Et oui, t'as vu ma chatte? Alors, je sais pas. Je me rappelle pas de ce détail-là. Nous sommes, alors... J'ai envie de le dire, je le dis à chaque fois, mais je le redis. L'habitué de la maison, hein, le pilier du bar. Si le podcast était un bar, il serait le pilier, tout simplement. Je serais alcoolique, comme mon père. Nous sommes avec Adrien Méniel. Bonjour. Bonjour Adrien, comment vas-tu? Je suis fatigué, je ne vais pas mentir, mais je suis très heureux d'être ici. Et nous sommes aussi avec... Moi, on ne me présente pas, on s'en bat les couilles, donc. Mais les gens te connaissent. Oh, bien. Mais oui. Tout le monde s'est quitté. Un humour un peu geek sur la culture hip-hop. Adrien Méniel, auteur chez Golden Moustache, mais pas que, aussi illustrateur, et plein d'autres métiers, comme danseur, réalisateur, aussi. Comédien, il danse vachement bien, et il imite Julien Clerc à la perfection. Peut-être. Eh, alors Parfait. Voilà. Nous sommes également avec Éléonore Coste. Bonjour. Salut. Comment vas-tu? Et ça va fort bien. Présente-toi aussi pour les gens qui ne te connaissent pas, même si je pense que les gens te connaissent. Oui, alors... Heureusement qu'il y aura du montage. Ouais. Très heureux de ne pas être en direct. Tous les rires que je vais devoir baisser. Lolo, c'est quoi tes passions dans la vie? Question, t'as des passions? C'est quoi tes groupes préférés? De dance? Je peux dire, putain. Ok, Docteur Alban, tu kiffes? Pardon. Donc, tu es auteur, comédien? Je suis auteur, comédienne, chez Golden Moustache notamment, entre autres. Et tu as un groupe aussi de musique. Et j'ai un groupe de musique qui s'appelle les Sœurs Coste, tout à fait. Voilà, avec ta sœur. Avec Coste. Ma sœur, puisque les Sœurs Coste. Et ça marche bien. Ça marche bien, ouais. C'est Est-ce cool. qu'on n'aurait pas deux comédiennes du Visiteur du Futur autour des micros, au hasard? Moi, je trouve les petites affinités d'atomes crochus entre les gens. Ouais, ça marche. J'avais dit que j'étais fatigué. Donc vraiment, bienvenue Vanessa. À cette première, parce que et puis bienvenue à Lolo aussi également. Même, ouais. Mais oui, mais tu connais un peu plus le podcast. Tu en avais écouté un petit peu. Eh bien, on va faire comme à chaque émission, on va faire un petit tour de table sur ce que vous avez vu, lu, entendu, écouté ou d'autres verbes du premier ou deuxième groupe. Adrien Méniel. Oui. Alors un petit truc à conseiller pour les internautes, hein, tout simplement. Ben moi, ma série préférée de l'année, qui s'est écoulée, hein, Silicon Valley. Yes. J'avais bien aimé la saison 1. Le thème me parlait. En fait, c'est... On peut raconter vite fait, peut-être, alors, justement, le thème. En gros, le pitch, c'est une start-up de potes qui. Ils ont créé un algorithme de compression révolutionnaire qui peut vraiment révolutionner la façon dont on utilise l'informatique de manière générale, le streaming, etc. etc. Et en gros, les mecs se font voler une partie de leur code par une grosse boîte. Et du coup, l'histoire, c'est un peu comment cette petite start-up se débat dans tout ce bordel très compétitif qu'est la Silicon Valley. C'est le titre de la série, justement. Oh, c'est malin. Voilà. Et c'est très marrant. Il y a plein d'acteurs, enfin de comédiens que je trouvais déjà très marrants avant et que là ils sont tous ensemble. Il y a TJ Miller, il y a Kumail Nanjiani. Il est très très fort, TJ Miller. Moi, j'ai découvert Silicon Valley récemment et TJ Miller dedans est vraiment trop marrant. Il est dans Deadpool là prochainement et c'est le mec le plus marrant du monde. Enfin. Ouais, il y a aussi, j'ai oublié son nom, mais celui qui joue Gabe dans The Office, oui. Qui est très marrant aussi. Enfin, c'est vraiment des gens. Et. J'ai oublié son nom, mais bref, que des gens très drôles, donc c'est très marrant, c'est très bien écrit, et la saison 2 est encore mieux que la 1, je trouve, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai hâte de voir la 3. Yes. Voilà. Ouais, moi j'ai découvert ça, en fait, je me suis tout fait en 2 jours et demi, 3 jours là, j'ai pris OCS... Martin Starr, c'est lui que j'avais oublié. Martin Starr. J'ai pris OCS pour tenter, et du coup, ouais, j'ai maté ça, et j'ai vraiment tout bouffé très vite, c'est vraiment, ça se consomme vachement bien, et c'est intelligent, et c'est très drôle. Et non, vraiment, mettez ça parce que c'est vraiment bien. Après, moi, le problème, c'est que je me suis. Enfin, j'ai découvert la série, j'ai trouvé ça trop bien, je me suis tout fait en 2 jours. Et du coup, là, la saison 3 est genre au mi-2016. Donc, j'étais très énervé, en fait, d'avoir découvert une série pour vraiment m'arrêter dès la fin de saison 2, qui finit en plus sur un cliffhanger d'enculé. Donc voilà, mettez ça. Le format, c'est quoi ce que j'allais dire? Oh, on est pas c'est un solo. Oh là là, vous auriez pas joué dans la même série par hasard? C'est une sitcom, c'est 20 minutes. Ouais, d'accord. 20 quelques minutes, ouais. D'accord. Et c'est créé par Mike Judge. Qui est un mec qui a fait des films très bien comme Idiocracy, oui. et qui est le créateur de Beavis and Butthead. C'est produit par lui, je crois. Oui, alors mais il réalise quasiment la moitié de la saison 2, par exemple. Je vais sortir ma liste, parce que tu sais que toi, tu sais, Flaubert, que je fais une liste en ce moment, vu que je pars en vacances dans 4 jours, et je vais marquer toutes les choses que vous dites. Donc là, c'est une liste faite par Flaubert, François Descraques, Vincent Tirel, Axel Malivernet, qui est le directeur d'écriture de Beagle. Et qu'on embrasse, qui viendra sûrement un jour. Donc qu'on embrasse. Pourquoi pas, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Et qui m'ont dit de regarder ça. Et du coup, j'en profite et je vais faire un appel à contribution pour que tout le monde dise qu'est-ce que je dois regarder d'autre. Regarde The Newsroom. Vanessa-Bria, c'est voilà, ça sur bien Twitter, je veux bien, parce que sur vraiment, Twitter. Je sais que je suis à la ramasse de plein de trucs. Alors, je peux le dire ou vas-y, je t'en supplie. Non, je t'en supplie. Alors, Man Seeking Woman, oui. Ça, c'est François et Vincent. Je crois que Lolo ça ouais, à la liste pour te dire que c'est vachement bien. Ah, toi aussi t'as regardé? C'est vrai, c'est fou. C'est très très bien. Kimmy Schmidt, oui. Ouais, j'ai regardé le pilote, c'est vraiment bien. Et pourtant que le pilote c'est pas le truc Ouais, très drôle et très bien. C'est bon pour le moral. Ouais. Last Man on Earth. Oui, ça, bien moi, sûr. J'aime pas. Moi, j'ai vraiment pas accroché à ça. Ça m'a. J'ai maté les 2 premiers épisodes. Ah, c'est vrai. Ils ont diffusé d'un coup en fait. Vous engueulez pas, putain. Non, ça vraiment, j'ai pas accroché. J'ai trouvé ça pas très drôle et plus. Enfin, je sais pas, ça m'a pas accroché. Alors que les 2 autres que t'as cités avant, vraiment, c'est d'un coup, tu vois, ouais. Tout droit. Et ça, non. Ça, bah, ah ouais. Tu et me toi, t'as adoré Lolo? Bah, moi, j'ai pas vu encore. Ah, t'as pas vu? Ouais. C'est Adrien qui a bien aimé. Ah, j'ai bien aimé, en fait, j'ai bien aimé. Moi, j'ai accroché au début. Après, j'ai trouvé que ça se répétait un peu et que je m'ennuyais un chouïa. Et puis, vers la fin, je trouvais que ça redevenait et j'ai trouvé la fin vraiment très cool. Entourage, mais ça j'ai un gros doute. Oh là là, c'est de la merde en bar. J'adore Entourage. C'est de la merde en bar. Ah non. C'est un bounty. Tu vois un bounty? Remplace le chocolat par de la merde et c'est ça. Et attends, parce que ouais. La noix de coco dedans, ouais. Tu le remplaces par de la merde aussi. Ouais, aussi. Foutre séché. Du foutre soleil. Bonne chiasse. Disons que c'est bien écrit, mais c'est vraiment un univers de merde. Bah, en fait, de douchebag, de mec. Comme ça dépeint un univers de merde. Ouais, et ça va pas trop poser, clairement. Du coup. Ok, ouais. Ça marche. Broadchurch, ça c'est des cracks aussi. Si, alors est-ce que tu regardes Doctor Who ou pas du tout? Alors. Parce que c'est David Tennant, en fait. Moi, je sens qu'il y aura une mare et un pavé bientôt. Non, mais j'ai regardé une saison. Parce que Davy m'avait dit il faut absolument que tu regardes. J'ai regardé une saison. T'as pas accroché? Ah. Bon, en gros, à partir de la 2e saison, c'est un nouveau docteur. C'est plus celui que t'as vu. C'est un mec qui s'appelle David Tennant qui a joué notamment dans Harry Potter, etc. Et en fait, Broadchurch, c'est pas mal. C'est pas le truc le plus incroyable de la Terre. Mais c'est porté par ce mec-là. Et il est à lui tout seul une raison de regarder la série. C'est-à-dire que vraiment, il porte c'est le truc. Quoi. Ouais, il porte le truc et c'est un super acteur. Et juste pour ça, c'était juste parce que si jamais tu l'avais vu dans Doctor Who, t'aurais fait tout de suite ah, mais oui, ok, super. Vraiment, juste ce mec-là tout seul te légitime le fait de passer 10 heures devant ça. D'accord. C'est voilà. Vraiment très bien. Tellement bien le truc. Ouais. Mais il paraît que c'est un peu chiant. Mais par contre, c'est antisémite. C'est le seul truc. Ouais. Du début à la fin, c'est antisémite. Après, tout le long. Si t'arrives à passer au-dessus de ça. Ouais, moi par exemple, ça passe. Mais vraiment, il y a beaucoup. Et il y a un épisode entier où c'est juste lui qui fait. Faut vraiment aimer le gars, quoi. Et c'est un épisode spécial de 4 jours. Voilà. Ouais, donc faut vraiment. Si t'es pas fan du gars, tu passes un mauvais moment. Ok. Silicon Valley, bon, t'en as parlé, c'est bien. Voilà. Ah, Modern Family, ça c'est Navo. Oui, ça c'est cool. Très drôle, c'est une bonne sitcom quand tu manges. Tu très très mal. On s'en lasse au bout de quelques saisons. Ouais, tu t'en es accroché. Jamais. Ouais. Mais trois épisodes. Il paraît que le final, parce que c'est fini, je crois. Il me semble, Modern Family. Il paraît que c'est fou. Ça te tient pas en haleine, mais. Mais c'est vrai qu'au tout début. Au moins les deux premières saisons, c'est vraiment. Bon, c'est très chouette, quoi. C'est sympatoche, ouais, c'est marrant de temps en temps. Bon. C'est vraiment la. Tu débranches le cerveau, puis tu te. Ouais, tranquille. Mais disons que l'axe. Hein. Toi, tu te fais des knackis purés et tu le mates. T'as tellement de trucs vachement mieux à regarder dans ta liste, notamment Kimmy Schmidt et notamment Silicon Valley. C'est tellement beaucoup mieux, ne perds pas ton temps avec un truc cool, alors que t'as plein de trucs trop bien. Lolo, est-ce que tu as un truc à prendre? Silicon Valley, je vais le noter. Je t'enverrai ma liste si tu veux. Ouais, bah moi je voulais parler de Man, Seeking Woman. Yes, on en a déjà un peu parlé dans le premier Floodcast. Oui. Moi j'avais maté ça à l'époque. C'est fou. Et je veux bien avoir ton avis sur la question pour les gens. Non, mais je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue que qu'on n'ait pas réussi à faire des sketchs. Parce qu'en fait, c'est vraiment comme si. C'est 20 minutes, hein, l'épisode. Ouais, c'est ça. Ouais. Et t'as trois sketchs dans un épisode. Mm. Et c'est fou que les sujets abordés n'aient pas été abordés. Ni par Bagel, ni par Moustache. Je trouve ça hyper étonnant parce que c'est complètement taré. Hein. C'est vraiment complètement. Les rapports hommes-femmes, on l'a jamais abordé. Moi, jamais, en tout cas. C'est comme mettre du piano à la fin quand on n'a pas de chute. Ça, c'est un truc que je fais jamais, tu vois. Non, mais sinon, dans les trucs, bah, si t'en as déjà parlé, voilà, moi je juge le conseil. Non, mais ouais, c'est vraiment marrant. Parce que c'est un humour. Après, c'est un humour particulier, c'est très absurde. Et moi, en plus, c'est très fou, c'est difficile peut-être d'accrocher d'ailleurs ou de s'attacher au personnage parce que c'est tellement dingue tout ce qui lui arrive, comme c'est beaucoup de métaphores, etc. Ça peut être un peu. Enfin, je comprends qu'on puisse pas adhérer. Mais, oui, c'est moins Modern Family par exemple. Ouais, voilà, c'est moins plus, accessible. Mais si vous. Par exemple, on va pas se mentir, si vous écoutez ce podcast, je pense que vous êtes familier avec plein de chaînes YouTube et tout, peut-être vous regardez un peu ce qu'on fait. Effectivement, c'est la version mille fois mieux que ce qu'on fait. Voilà, vraiment. Bah, c'est ça, ouais. C'est le très truc, malin. Ils vont au bout. Voilà. Et Clara, toi, t'as lu un truc sur le. C'est Times ? Non, c'est quoi le magazine ? C'est Empire. Empire. Mais avant, il y a un truc auquel j'ai pensé pendant qu'on discutait et qu'on n'a pas évoqué et qu'on aurait dû évoquer, c'est Seven Days in Hell. Oui, c'est vrai, mais vas-y, je t'en prie, Seven Days in Hell. Je vais le faire rapidement parce qu'après, je veux vous parler d'un petit classement qui a sorti Empire cette semaine. Ou ce mois-ci. Seven Days in Hell, c'est un faux documentaire qui est passé sur HBO avec. Qui est un documentaire qui couvre, donc un faux documentaire qui couvre le match de tennis le plus long du monde, qui dure 7 jours. Et dans les rôles principaux, il y a Kit Harington, donc Jon Snow, et Adam Samberg, Andy Samberg ou Adam Andy Samberg, Samberg. Andy Samberg, des Lonely Island et de Brooklyn Nine-Nine. Et c'est vraiment très, très, très bien. Et il y a tout le monde dedans, tous les gens que tu aimes, ils sont là. Et donc tous les gens que j'aime moi déjà, donc Helena Dunham qui est là, donc voilà, moi c'était tout ce qui me plaît. Will Forte de Last Man on Earth. Will Forte de Last Man on Earth, ce qui est drôle là, contrairement à dans Last Man on Earth. Guy Carlier. Madame Kane, arrêtez. Il y a Serena Williams aussi, si ça vous amuse. Ouais. Voilà, c'est très bien. Je pensais que ça allait durer tout l'été, que c'était une série, mais non, c'est un épisode, mais c'est vraiment archi bien. Ouais, c'est dans 40 minutes. Donc vous savez quoi ? Je vais le regarder. Mais oui, tu vas adorer, vraiment, tu vas adorer. Non, c'est vraiment très marrant. Et sinon, je suis allée à London la semaine dernière et j'ai acheté Empire. C'est le premier ou le ciné live, le studio ciné live anglais. Et ils ont fait un classement des meilleurs personnages de films de tous les temps. Le classement est disponible en entier sur Internet si vous voulez le regarder. Et comme je suis un peu relou et un peu féministe, bah, j'ai eu envie de compter les filles dedans. Sachant que c'est donc le vote des internautes. Hein. Au début, je me suis énervée en disant « Oh, Empire, bande de machos !» Non, c'est genre « Oh, les Anglais, bande de machos !» plutôt. Et donc, j'ai commencé par compter les filles, qui sont 11 sur 100. Femmes, filles. Et donc, voilà. En plus, ce qui est assez, assez intéressant, c'est qu'elles sont... Il y en a très, très peu une fois qu'on a passé la 50e place. Et puis après, histoire de pas rester uniquement sur mes petits problèmes à moi, je me suis dit que j'allais compter les minorités. Donc alors, les Hispaniques, 0, les Asiatiques, 0, les Arabes, 0, les Inuits, 0, les Noirs, 3. Et donc, c'est super triste. Plus que dans le moustache. donc les Noirs, on a en 86e... C'est très blanc. C'est ça. 86e, Morgan Freeman dans Les Évadés. 55, le flic de Beverly Hills, et 32, Samuel L. Jackson dans Pulp Fiction. Et donc, du coup, bon, donc on a trois noirs. Et donc, j'ai voulu aussi compter les gens qui ne sont pas humains dans le classement. Ah, pour toi, les noirs ne sont pas humains. Ok. Non, non, justement. Non, justement. C'est une blague. C'est toi qui es raciste, putain. Hey, le gars, hashtag Méniel raciste. Moi, j'essaie de provoquer un peu la polémique pour foutre un peu d'ambiance. Tu serais pas un peu Nicolas Bedos? Un peu. Laissez-moi faire mon travail d'humoriste. Donc, il y en a 9. Donc, il y a 3 fois plus de pas humains que de noirs. Donc, dans les 9, il y a donc les mignons, Groot, Hal, déjà, ça, c'est Gollum, un scandale. Est-ce qu'on peut en parler, Yoda. C'est ça le vrai scandale. Non, mais on est d'accord. Donc, voilà. Donc pour faire un petit total, donc, nous n'avons aucune autre minorité ethnique que les noirs, qui sont 3. 9 animaux ou extraterrestres, ou Yoda ou trucs comme ça. Et puis, 11 femmes. Voilà. Et il y a deux funesses dedans, ça c'est ouf. Eh bien, on est très heureux. Tu m'as bien remonté le moral. Voilà. Tout va tellement mieux. Très bien. Eh bien, écoute, la C'était déprime. Fort intéressant. Ouais, la grosse déprime, là. Un peu, hein. Bref. Si je vous ai tous appelés ici, outre pour conseiller des choses. Mais oui, pourquoi alors? Mais non, mais c'est parce que je voulais parler d'un sujet et je me suis dit que c'était intéressant de vous inviter. Sauf Adrien qui, de toute façon, est invité à tous les sujets. Pourquoi? Parce qu'il est intéressant sur tous les sujets, ce gars-là. J'ai déjà bu un verre de son sperme, j'avoue. Ouais. Et du coup, le sujet, c'était humour et séduction. Quid. Et je trouvais ça intéressant d'avoir des garçons et des filles autour de la table parce qu'il y a plein de clichés, en fait, qui existent et je trouve ça vachement intéressant d'en parler. Et il y a une majorité de femmes autour de cette table, donc je vais commencer par contrairement à la plupart du temps dans la vie. Du coup, je vais poser une question très bête. C'est que moi, j'entends souvent ce cliché de dire qu'une fille drôle, ça n'attire pas les hommes. Voilà. Ou ça peut même parfois les bloquer. Alors, est-ce qu'autour de la table, certaines d'entre vous ont des anecdotes ou un avis, évidemment, vous en avez un, mais est-ce que Lolo, toi, par exemple, tu as une anecdote à raconter à ce niveau-là ou un truc où tu t'es rendu compte que peut-être l'humour, ça pouvait peut-être pas être le truc, que ça pouvait faire peur à un mec ou autre? Bah, quand tu es au collège, au lycée, ce que tu disais, justement, ouais, c'est que, effectivement, c'est un truc qui va te permettre de pécho. Même quand t'es une fille? Quand t'es une nana, c'est ouais. pas, je, enfin, en tout cas, comme je l'ai vécu moi, c'est pas ouais. quelque chose qui me permettait de pécho parce que c'était... trop grande gueule, ce n'est pas ce que les garçons attendaient de toi. Surtout pas au collège et au lycée. Surtout pas au collège. Après, lycée, en grandissant un peu plus, ouais, ils attendaient de toi que tu sois la petite nénette jolie et qui ferme un peu sa gueule. Je pense que les choses ont évolué. J'espère qu'aujourd'hui, les collégiennes n'ont plus ce genre de problème. Mais moi, à l'époque, j'ai énormément souffert du fait d'être beaucoup trop, j'ai pas envie de dire marrante, mais la rigolote de la classe. Oui, etc. Oui, tu faisais de la vanne, quoi. Voilà, ouais. je voulais un peu me faire remarquer et ça ne plaisait pas du tout aux garçons, quoi. Ah ouais. Pas du tout. Et t'étais moche ou pas? Non, j'étais plutôt beau, belle gosse. Ouais. J'avais des très gros seins. D'accord. Alors que ça, maintenant, vraiment plus rien. Alors que moi, j'ai tout perdu de ça. Non, mais d'accord. Mais c'est intéressant aussi. Non, en fait, je pense que le truc, c'est que l'humour, c'est une histoire de pouvoir, en fait. Quand tu fais rire quelqu'un, t'as quand même un pouvoir sur lui parce que tu contrôles un peu ses réactions en le faisant rire, etc. Et c'est vrai que généralement, les hommes, ils préfèrent avoir, eux, le pouvoir. Enfin, les hommes, les gros cons, je veux dire. Mais ce qui est considéré comme la norme. Les bonhommes. Et encore plus, au collège. Et du coup, je pense que c'est aussi ça qui fait que les hommes ont peur d'une femme drôle. C'est qu'ils ont peur de perdre le pouvoir. C'est exactement ça. Voilà. Et ça continue aujourd'hui, à notre âge. Hein, de rencontrer des mecs. Bien sûr. Qui supporte pas ça, quoi. Il y a un an et demi, j'ai rencontré un garçon qui m'a bien plu en soirée et qui normalement est pas du tout le genre de garçon à qui je plais beaucoup trop BCBG, beaucoup trop je suis trader machin, alors que normalement c'est pas vraiment les garçons à qui je plais et plaisait bien. Il s'appelle Mike. Il me plaisait bien. On l'embrasse du coup. Bonjour. Non, c'est ce que tu vas, en entendant la fin de l'anecdote, tu vas comprendre. On va peut-être lui chier dans la bouche à la place. Plein de fois. Okay. Et donc, du coup, on finit par avoir un rencard et il m'emmène, genre, dans le bar d'un hôtel ultra luxueux, boire des cocktails avec des fleurs dedans. Campanile. Ouais, c'est ça. Et donc, enfin, tu sais, vraiment le truc, genre, ultra feutré et tout, avec le petit piano au fond. Et j'étais pas très à l'aise parce que vraiment, encore une fois, c'est pas du tout le genre de garçon à qui je plais. Bon, et j'essaie quand même d'être assez naturelle parce que j'ai l'impression que si tu fais la duchesse et que c'est pas ce que t'es fondamentalement, ça va être un peu compliqué par la suite. Donc je suis assez naturelle, etc. Et ça dure très très longtemps, je passe vraiment un super moment. Et à la fin, il était beaucoup trop tard pour prendre le métro. Donc il me dit, bah viens, on attrape un taxi. Et voilà. Et donc le taxi arrive, et je dis, bah écoute, je prends celui-là et tu prends le suivant. Et il essaie de m'embrasser, je me laisse faire. Oh, attends. Et très surprise, mais surprise vachement bien et tout. Et il me dit, on va chez toi. Et en général, quand j'aime bien le garçon, je préfère attendre un peu. Et il m'a répondu, écoute, vraiment, je te trouve beaucoup trop vulgaire, j'ai pas très envie de te revoir. Donc hein? en gros, il m'a dit, genre, si tu veux ma teub, c'est maintenant. Et donc j'ai été vraiment triste, je suis montée dans la voiture, et sans lui, seule, et je suis rentrée chez moi à laver ma dignité. Effectivement, on lui chie tous dans la bouche. Mais... Mike, si tu nous écoutes... Mais qu'est-ce que t'as dit? Nique ta putain de mère. Je vais obtenir la diarrhée. Taisez-vous les garçons. J'ai pas osé répondre. J'ai fait genre... Ouais, mais t'as estomaqué sur le cul. En fait, je sais même plus, il est possible que j'ai dit « Ah, désolé ». Ouais, mais c'est très possible, parce que ce moment, tu sais, où en fait, c'est après que tu réalises et tu te dis « Mais putain, j'aurais dû foutre mon poing dans la gueule, c'est ça. Tu te repasses la scène ». Mais en plus, vraiment, pendant le truc, effectivement, j'ai essayé d'être un peu marrante, parce que je voulais que ça soit moi qui lui plaise. Effectivement, j'aurais pu faire le... rire ce talent, mais je voulais que ça soit moi qui lui plaise. Mais as-tu pendant ce rendez-vous lâché de nombreuses caisses? Ce qui expliquerait alors là t'as commencé à te tartiner les seins de merde tuer vulgaire là. Les blagues de base quoi. À ce moment-là, au niveau du taxi, il fait « Moi, je suis prêt à l'accepter si tu me suces ce soir. Après, je t'avoue. » Après, j'ai choisi un taxi avec un... Si tu refais ça alors qu'il y a du piano derrière. J'ai vraiment choisi un taxi avec un sapin sans bon. Donc. Moi, j'ai une anecdote pas mal aussi à ce sujet. Quand j'avais, je pense, à peu près 18-20 ans, déjà, en fait, au lycée, à partir du lycée, après, jusqu'à 20 ans, je faisais 15 kilos de plus que maintenant. D'accord. Et je me suis, à la différence de toi Lolo, c'est que c'est pas ça qui m'a empêché de pécho, c'est que je me suis auto-empêché de pécho. C'est-à-dire que je trouve que être une fille un peu rigolote et tout machin nan, c'est pas ça qui te rend pas attirante, c'est si tu n'es que ça en fait. Oui. Et moi j'étais que ça. C'est-à-dire que je m'auto-mettais en fait dans le buddy, j'étais le pote quoi, le pote de tout le monde, ouais, machin. Ouais, parce que ça te protégeait. Et complètement, et du coup j'oubliais alors qu'en fait j'ai quand même pécho à ce moment-là, mais pas beaucoup parce qu'en fait je partais du principe que ce rapport-là m'intéressait pas en fait, il y a eu ça. Et après du coup le problème c'est que ça a été une espèce de boucle infernale où en fait je faisais vanne sur vanne et j'allais le plus loin possible parce que ça me faisait rire d'être une meuf, d'être border et d'en avoir rien à foutre. Donc j'allais hyper loin et en fait c'est vraiment très très drôle parce que y a un mec que j'essayais de draguer et je le chauffais, mais le problème c'est que je le chauffais mal, enfin j'étais un peu du genre à cette époque-là, quelques chabites. Non mais tu vois, j'étais un peu du genre à cette époque-là à faire aller trop loin, à dire attends mais putain soirée de merde, putain je vais chier sur le tapis et à baisser ma culotte. Ah ben c'est ma culotte. Moi je t'aurais épousé. Moi je t'aurais épousé direct. Faire semblant de chier. Moi j'ai toujours un diamant. J'ai une bague prête toujours. Pour, Non mais en vrai ça c'est pas drôle. Enfin c'est à dire que je comprends maintenant, j'ai 30 ans, que c'est lourd en fait. C'était jeudi dernier. Être lourd, t'es lourd quoi. Que tu sois un mec ou une fille, faire la blague de je vais chier sur le tapis, ça marche rarement. C'est la merde quoi. Voilà, on est d'accord. Et en fait je draguais ce mec et lui me dit, que je connaissais depuis très très longtemps, et lui me dit écoute Vanessa, t'es quand même pas le genre de meuf qu'on ramène chez ses parents. Oh. Attendez, pour l'anecdote, cette personne maintenant c'est mon beau-frère et c'est le père de mon neveu. Oh. Parce que j'allais inviter tout le monde et à lui chier dans beaucoup. La bouche, donc et mais non, tu l'aimes beaucoup. Bien, voilà. Donc on lui chie pas dans la bouche, on lui chie dans la bouche d'ado qu'il était. À mais l'époque. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Ah putain, c'est violent de ouf. Ton beau-frère, donc c'est. C'est le cum de ma sœur, de ma grande sœur. Okay. Mais je pense que c'est qu'une question de dosage, c'est-à-dire que quand t'es ado au lycée, tu vas trop loin. Tu vas juste. Ouais, j'étais bourrine en fait. Mais oui, puis t'es mais très parce lourde, que même pas drôle. Très en fait. Lourde. Mais est-ce que c'est pas lié au fait de. En fait, t'es un peu drôle et tu fais rire un peu quand même les gens. Ouais. Et tu te dis, oh putain, ok, ça c'est mon truc. C'est ton pouvoir, ouais. Moi c'était ça, c'était genre, ok, je savais pas ce qui était mon truc. Et franchement, je suis sur le tapis également. Je faisais aussi, genre, on faisait aussi ce genre de blague en Bourgogne. Ah, oh, ça a fait rire mes trois potes. Ah, ok, mon truc c'est l'humour. Je vais le faire pour tout. La vie. Ouais. Avec les profs, je vais faire des blagues. Avec mes amis, bon, je vais faire des blagues. Avec mes parents, je vais faire des blagues. Et avec les meufs, je vais faire des blagues. Et sur 9 sur 10, ça ne marche pas. Encore moins quand t'es ado. Et oui, effectivement, je pense que du coup, tu vas à fond parce que tu testes. Oh, je m'étouffe en parlant. Tu testes en fait. C'est, tu vois tes limites à la manière de Julien Doré, un petit peu. Tu vois, tu regardes où sont tes limites. Gentiment. Et après, c'est quand même rassurant parce que même si tu vois des fois, enfin, tu vas très très loin, ça fait quand même, ça plaît à des mecs. Enfin, c'est-à-dire que bon, c'est pas une règle de se dire que si t'es une fille, enfin, qui aime faire des blagues en tout cas, que ça va être rédhibitoire, quoi. Alors, ça plaît, mais à court terme, quand même. Okay. Ah, tu penses ? Ah, moi, c'est plutôt l'inverse. Ah, raconte-nous, Éléonore. Raconte-nous, c'est intéressant. Non, mais c'est que c'est quelque chose justement qui, je pense, peut être très attirant un moment, parce qu'on se dit, ah, cette nana est marrante, c'est un peu rare, elle ose et tout. Et puis, 4 ans plus tard, quand tu continues à oser, que pour déconner, tu te mets à poil, tu fais une blague à la con, et que là, bah non, ça y est. Ah ouais, maintenant, tu vois, maintenant moi, j'ai eu une relation comme ça, où après, c'était vachement plus, écoute, calme-toi. On a compris. T'as plus 20 ans, on a compris, on a compris. Savais aller loin. Bah, tu non, fais le poirier à poil, on a compris. C'était un peu l'idée. Ouais, mais non, je continue. Mais... Non, mais après, alors, mais c'est peut-être pareil, c'est être lourd en fait. Moi, j'ai eu ça, parce que je pense même pas que quand t'es une meuf, c'est quand t'es un être humain, enfin quand t'es une personne. C'est quand même c'est plus fort très en fait. T'es lourd, t'es lourd. Ouais, t'es lourd. C'est peut-être plus une meuf. Mais je pense qu'on tolère plus de lourdeur de la part des mecs. C'est pas ce qu'elle vécu Lolo, pour le coup. C'est pas qu'elle était lourde, c'est qu'à ce moment-là, le mec, c'est la place qu'elle prenait. Parce que je prenais trop de place par rapport à lui qui lui aussi. Autant pour moi. Était drôle. Et du coup, je pense que c'est là où ça devient compliqué. C'est quand il y en a un, bah, il fait plus rire les potes. T'as une petite concurrence qui se met. Ah oui, ouais, d'accord. Il y a un degré supérieur parce que les gens drôles entre eux, il y a une histoire d'ego de oui, genre. C'est le concours de la plus marrant. Ouais. Ah, mais c'est horrible. Il y a une expérience psychologique qui s'appelle Vendredi tout est permis. en fait, non, vraiment. Mais vraiment, hein, ça prouve, c'est la même chose dans la vie des gens qui font des blagues. C'est on se pousse pour faire des blagues et c'est celui qui fera en plus fort. Et ce podcast aussi est un peu le cas aussi. Bah oui, non, mais j'ai une question pour les gens qui sont ici et dont le métier est d'écrire des blagues. Est-ce que du coup, quand vous rencontrez quelqu'un qui sait qui vous êtes, mais une nouvelle personne, pas forcément un fan, mais vraiment une nouvelle personne, est-ce que du coup, il essaie de vous faire rire? Est-ce qu'il essaie de montrer qu'il est drôle? Beaucoup, franchement. Ça arrive. En fait, okay. Ben, de toute façon, généralement, quand tu rencontres quelqu'un, il va essayer de te faire rire qui que tu sois parce que c'est un peu. Oui, bien sûr, mais est-ce que tu sens que la personne il vient te genre essayer de te. Ça arrive, ouais. Mais comme moi, quand j'essaie de. Par exemple, quand je rencontre quelqu'un de très cultivé, je vais avoir tendance à. Et qui me plaît, je vais avoir tendance à dire. Ah tiens regarde on a ça en commun. En fait t'essaies de créer une connexion. Ouais, moi il y a personne qui vient essayer de m'expliquer que la jurisprudence du Conseil d'État de tu vois parce que ça fait chier tout le monde. Non mais après chacun ses sujets. Préfet de l'heure. Personne. Bah moi si je serais capable de te poser plein de questions sur la jurisprudence pour pécho. Oh pas de chance. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu veux pas qu'on parle de films en fait par principe je trouve que quelqu'un qui est passionné et passionnant moi j'ai envie de le pécho. Quand tu veux. Ouais. Oh. Et moi, pardon. Si genre les tomates farcies, moi j'adore ça, par exemple. Je suis assez passionné. Tout peut m'intéresser. Mais vraiment potentiellement, ce qui est très compliqué d'ailleurs. T'aimes les geeks dans la définition la plus stricte les gens du truc, quoi. Ouais. Oui, voilà. Je suis assez d'accord. Avec hyper strict. J'ai réfléchi à un truc par rapport aux gens drôles et à la séduction. Je crois que l'humour est un énorme plus, mais quand la personne te plaît déjà un peu. C'est-à-dire que si tu vois un mec que tu le trouves ou une fille ou que tu le trouves déjà pas mal. Que tu discutes un peu, que tu le trouves intéressant et qu'après il te fait mourir de rire, c'est bingo. Si c'est quelqu'un à qui t'as pas fait gaffe, que tu trouves pas dingue physiquement, machin. Moi je suis pas très d'accord avec ça. Bah, non plus. Moi il y a vachement un truc comme ça où quelqu'un qui me plaît pas du tout pour un aspect romantique ou physique et qui me fait mourir de rire, ça va devenir mon super méga pote, mais je vais pas être séduite par ça. Enfin, je vais être séduite amicalement, mais je vais pas être séduite romantiquement. Oui, il y a évidemment pas que ça, mais je pense que t'es un peu comme moi. Mais, un mec qui est drôle de base. Ah, moi, c'est direct dans ma culotte, j'ai envie de dire. Qu'il soit moche, beau. Non, mais moi, il y a plein de gens que je calcule pas en soirée. Enfin, parce que déjà, de base, je calcule. Enfin, je suis jamais dans une position de drague quand. Je ne veux plus être dans une position de drague. Okay. C'est-à-dire que je veux que ça me tombe dessus maintenant. Parce que je suis trop vieille maintenant. Voilà. Ça va pas. J'ai plus envie de. Ça m'intéresse plus, ça. C'est derrière moi. C'est derrière moi. Ça n'a pas le temps. Et ça m'est arrivé, il se trouve que ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. Et que, en fait, c'était vu que je ne calcule pas les garçons, enfin, en tout cas, j'ai envie de faire des blagues avec eux et juste de rigoler et de machin. Chier et sur là, le tapis, il m'a vraiment fait. Et de chier sur le tapis, ce qui est quand même ma blague favorite depuis 15 ans. Et là, le mec m'a vraiment fait rire et là, j'ai fait. Ah là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vraiment envie trouvais, de pécho. Est-ce que c'est pas déjà que tu le trouvais un peu sexy de base? Pas du tout. Ok, d'accord. Pas du tout. En fait, c'est un peu la même chose que le gars qui joue de la guitare à une soirée, quoi. C'est fait, ça. Tu le calcules pas et puis sur une guitare tu fais. Ah, c'est exactement. Alors, il reprend Creep de Radiohead, il reprend Wonderwall de Oasis. Ce qui est intéressant, c'est que donc nous, on est quand même bon deux nanas à cette table sur trois à se dire qu'effectivement on pourrait craquer pour un gars juste sur son sens de l'humour. Et alors à l'inverse, et je répète qu'il soit que son physique soit dégueulasse, je m'en branle en fait. S'il est marrant, pareil. A priori, je peux potentiellement être intéressée. Et donc à l'inverse, est-ce qu'un homme pourrait s'intéresser à une femme juste parce qu'elle est drôle et s'il n'a aucune attirance physique? Mais jamais. Non, pardon. Non, mais c'est intéressant. Si. J'aimerais bien savoir si une nana aujourd'hui. Adrien, hein, je te laisse répondre. Moi, ça n'a jamais marché, par exemple. Notre génération, à qui je plaisais pas du tout, ni physiquement ni intellectuellement. Mais t'étais. Je suis super marrante. Enfin, quand j'essaye, je dis pas que je le suis. Je dis que quand du coup j'essaie d'aller faire des blagues et tout, on devient trop potes. Mais alors. Ouais, mais à l'époque. Non, mais quand on est ado, effectivement, peut-être on est moins intéressé par l'humour chez l'autre. Enfin, tu vois, ça t'évolue, ce que je disais en début de podcast, c'est que tu évolues non, moi, en grandissant. Ça marchait plutôt bien pour moi. Non, c'est faux. Pas, ouais, jusqu'à non, très tard en plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, bah, Adrien, est-ce que tu pourrais être attiré par une nana ou Flo? Est-ce que vous pourriez être attiré par une nana qui est pas. Qui vraiment vous, jolie, voilà, vous plaît pas du tout, mais qui est extrêmement drôle, quoi? Bah, c'est. C'est dur de se projeter. Enfin, oui. Fin, est-ce que ça la rend attirante, en fait? Bah oui, oui. Bien sûr. Attends. Moi, c'est arrivé. Après, le truc, c'est. Moi, je peux pas dire mieux, c'est que ça m'est arrivé deux fois. Mais toi, ouais. Toi, tu. T'es pas trop. Ce silence. C'est quoi, je sais que. Enfin, tu vois, genre, t'aimes beaucoup Amy Schumer. Elle est pas forcément. Oui. Enfin, toi, l'humour, ça te rend les nanas très. Ah oui, moi, je l'aime très. Oui, enfin, elle est. Attends, elle est quand même. Elle est quand même très belle. C'était un peu. Non, mais en fait, c'était un peu la formulation de la question qui était un peu très spécifique. Mais si la question, c'est est-ce que l'humour, c'est attirant juste en soi, dans l'absolu? Oui. Oui. Oui, parce que même pour les amis. De toute façon, c'est. Oui, c'est ça. Quand tu es pas dans le. Dans le justement ce qu'on disait, la norme de tu veux pas perdre ton pouvoir, etc. Il y a pas de raison que tu trouves pas attirant une femme qui est drôle, quoi. Non, c'est clair. Ouais. Mais c'était quand même un cliché qui existe. Qui bah était, c'est toujours c'est bien tenace. Je pense qu'il y a plein de garçons que ça concerne de qui ne vont pas être attirés. Enfin, tu vois, qui vont même. Enfin, c'est des anecdotes que vous racontez qui peuvent être repoussées par ça. Même du très bon humour. Moi, tu m'aurais dit, par exemple, à l'époque, on se serait connus, je fais chier sur le tapis. Vraiment, ça m'aurait fait rire. Mais vraiment. J'ai mal raconté, mais j'ai trouvé ça marrant parce que c'était consternant. J'aime l'humour consternant. Oui, voilà. Et en fait, quand ça va loin, moi, ça peut être drôle, mais juste deux secondes. Mais c'est vrai que c'est. Bon, ça peut pas. Je sais pas. Chier sur le tapis, moi, j'ai trouvé ça pas mal. Putain, on va retenir que ça, je suis d'ailleurs, tu pourras appeler cette émission Chier sur le tapis. Ouais, ouais, ouais, c'est le podcast. Et dans la bouche de Mike aussi. Et ouais, voilà, merde dans le tapis et dans la bouche de Mike, ce sera le titre du podcast. Mais il y a un autre truc, parce que là, on parle de drague et de machin, on va peut-être parler plus de couple établi, donc c'est à ce moment-là où je vais un peu moins parler. Mais en gros, le truc de « je suis pas pris au sérieux par l'autre », par exemple. Il y a des gens qui se disent ah oui mais putain avec toi on peut jamais discuter. Moi j'ai eu une histoire qui a duré un peu longtemps et sur la fin c'était vraiment ça, c'était on a compris tu fais des blagues, là j'aimerais qu'on passe à autre chose, tu vois. Est-ce qu'on peut parler, t'es pas obligé de faire des... pas forcément genre ayons une conversation sérieuse parce que je te parle du décès de ma mère et tu es en train de montrer ton cul, c'est pas ça. Je parle vraiment de juste t'as on discute ça. Genre est-ce que t'as fait non, ça non j'ai pas fait ça oh. Genre on parle d'un truc complètement lambda et je commence à dire des conneries genre ouais et moi par exemple quelqu'un qui ne rit pas, et d'autant plus ma meuf, c'est comme si je n'arrivais pas à bander. C'est-à-dire ne pas réussir à faire rire une meuf avec qui je suis, avec qui je traîne, j'ai vraiment l'impression de ne pas la satisfaire, tu vois. Il y a un épisode de Scrubs là-dessus, ah ouais avec Mandy Moore. Bon, en fait, JD, il sort avec Mandy Moore, ils sont ultra love, etc. Et en fait, il se rend compte, au bout d'un moment, il y a un truc qui le gêne et il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et donc, il s'en rend compte, il capte ce que c'est, et c'est qu'en fait, elle ne rit jamais. Elle dit... c'est trop marrant, mais elle rit pas. Et donc en fait, du coup, il essaie de lui passer les comédies les plus drôles et les plus drôles pour qu'elle craque, et il finit par la quitter, pardon, spoiler, parce qu'en fait, vraiment, il pète un plomb de cette meuf-là qui rit pas et qui dit juste « Oh, c'est trop marrant !» Et moi, j'ai quitté une meuf qui me faisait pas rire et qui riait pas des masses, j'ai dit « On arrête, quoi !» Mais très, très vite, mais parce que vraiment, ça me bloquait, quoi. Et du coup, je me demandais si vous aussi, il y avait ce délire un peu de pas être. Enfin, tu vois, te sentir, Adrien. En fait, moi, je veux juste revenir sur un truc que tu as dit. Pardon. Non, mais qui est lié à ça. Mais c'est, tu disais, quand on dit à quelqu'un, ah, mais avec toi, on ne peut jamais être sérieux, etc. Mmh. Et je pense que ça, c'est un reproche qui est légitime, en fait. Parce que souvent quand on est surtout quand on est plus jeune quoi et qu'on est la personne marrante, on a tendance à se dire faut que je le sois tout le temps. Et en fait il y a rien de moins drôle que quelqu'un qui essaye d'être drôle tout le temps en fait quoi. Parce que bon, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais en fait vas-y. L'humour c'est une histoire de rythme aussi. Et en fait c'est faut s'arrêter aussi d'être drôle pour, sinon c'est pas un rythme, c'est juste voilà, c'est juste un truc continu quoi. Et voilà. Non, mais c'est pour dire que du coup, ce reproche, il est légitime et que c'est pas forcément un truc de l'humour est pas séduisant. Oui, oui. Mais si on reprend la métaphore du mec qui joue de la guitare et qui est séduisant, si le mec joue de la guitare tout le temps, oui, très chiant quoi. Quand tu essaies de lui parler sérieusement et qu'il est en train de jouer du Bob Dylan, fait juste pose ta guitare parce que j'essaie d'avoir une conversation. Est-ce que tu veux, mais c'est ça, c'est lourd en fait. C'est la différence entre avoir de l'humour et être lourd, tu vois. Mais c'est un manque de confiance, enfin il y a c'est un horrible. Truc. Mais moi j'ai perdu mes 15 kilos quand j'ai arrêté d'être lourde en fait. Mais au sens premier, et non mais sans déconner hein. C'était insupportable. Oui. Alors qu'en fait, je suis une personne très mélancolique, tu vois. Et quand t'arrives à rapprocher toutes les couches de ta personne, c'est bien, tu fais pas des vannes du coup tout le temps, quoi. Foresti avait fait un truc très marrant sur ça, sur son, je sais plus quel spectacle c'était, mais où justement le gars qui s'arrête pas, et là, c'est le premier truc qui t'attire au premier abord. Ouais. Et voilà, et au bout de 2 ans. Est-ce que tu peux pas être sérieux, quoi, tu vois, genre une fois. Et c'est ce que dit Adrien et vous tous, c'est ça, c'est que à la longue, il y a des moments où il faut s'arrêter, quoi. Bah ouais, mais c'est intéressant d'en parler parce que moi. J'ai l'impression qu'on est des alcooliques anonymes. Hein. Non, mais c'est vraiment intéressant d'en parler parce que notre audience a pas forcément nos âges, elle est un petit peu plus jeune. Et moi, vraiment, je trouvais ado, mais j'ai le recul de le dire maintenant. Que la terre entière était stupide de pas que l'humour ça devait être la chose la plus importante du monde et que normalement je devrais pécho les meilleures meufs du monde vu que je suis marrant. Mais c'est vrai que c'est intéressant de dire que des fois peut-être vous êtes pas si marrant et que c'est pas si, enfin tu vois, et que être marrant au premier abord c'est pas forcément, enfin ça s'entretient, c'est comme tout en fait, il faut pas miser que là-dessus sinon vous êtes des blaireaux. Moi par exemple, la première fois de ma vie que j'ai dragué une fille, c'était en 5e et c'était pour un voyage scolaire, elle s'appelait Sandy. Déjà ce prénom, c'est un peu marrant. Et vraiment, en fait, j'avais jamais osé draguer de fille parce que j'avais conscience de mon physique qui était de la merde. La merde du tapis de Vanessa. Et de la bouche de Mike. Et de la bouche de Mike. Et je lui fais des blagues, mais en fait, quand je dis je lui fais des blagues, c'est que je lui fais des blagues de télépoche. Des inconnus, non? Non, bien pire. Non, à la limite, c'était juste je réussis des répliques, là, c'est de la peur. Ouais. C'est nul, mais au moins, il y a de la culture. Ouais. Là, c'était des blagues, genre les à se rouler par terre, c'est la blague des chiottes. Tu les avais apprises par cœur ou t'avais ton petit manuel? Non. Et je la regardais pas. Mais déjà, en fait, les blagues que je lui fais, effectivement, je ne décrochais pas de ses seins, donc forcément, je pense que. Je les vendais moins bien. Peut-être déjà, ça a dû jouer dans sa non-attirance, déjà, peut-être envers toi. Plus le pu que j'avais sur le front. Mais et la blague que j'ai faite, qui je pense, franchement, on est dans un flunch, il est 20h. Ça commence trop bien. Je m'installe. Il y a énormément d'adolescents autour, donc je fais ma déclaration devant tout le monde, pour être sûr de. Je fais tu sortirais avec moi si je te faisais rire. Donc déjà, le couteau sous la gorge très vite. Et elle me dit, je sais pas, fais-moi marrer. Donc déjà, elle dit pas non, alors que je suis bête, tu vois. Et je fais, je sais pas, tu connais l'histoire de Flip Flap, la girafe? Merde. Et elle me dit, et déjà elle fait, non. Elle dit pas, oh non, raconte. Elle fait, mais elle a pas non plus dit, casse-toi, de loin possible de moi. En fait, je me suis rendu compte qu'elle était gentille, tu vois, elle avait un peu de pitié peut-être. Et je lui dis, effectivement, la chute, comme ça je vous la raconte à vous, il y a une girafe qui est dans un zoo, il y a un hélicoptère qui passe, et Flip Flap, la girafe. Oh là là là là. Est-ce qu'on peut faire un long silence? Ça, s'il vous plaît, juste un long silence. Il n'y avait pas vraiment cette ambiance parce qu'il y avait quand même des gens derrière qui mangeaient du flunch. Donc il faudrait que des gens mangent du flunch derrière. Je rappelle que les légumes sont à volonté. Je le rappelle. Et surtout, non, mais il y a tous les gens de la classe qui m'ont du coup appelé Flip Flap pendant un an et demi. Voilà. Donc très compliqué de draguer des meufs pendant un an et demi derrière. Hein. J'aurais pu t'appeler Flip Flop parce que tu as. Stop. Ouais. Ouais. Tu as fait un flop, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Flip Flop. Oh, stop. Donc, alors, donc la confiance... on dit qu'on est des gens marrants, bah, c'est confirmé. Moi non. Moi, le postulat de base, quand même, à chaque fois, c'est qu'on dit, genre, nous, en tant que bon, oui, mais alors, marrantes, non. De gens qui misent sur l'humour. Oui, qui misent. Oui, voilà. Mais alors, voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu es marrant pour une personne et pas forcément pour une autre. Exactement. C'est super subjectif. Et ça, c'est important de le notifier. Dit-elle en ayant plein de trucs dans et la bouche. Je suis complètement d'accord avec toi, Lolo. Vraiment, quoi. L'attirance, c'est pas non plus une science exacte et ça se trouve un jour tu vas être séduite par un mec que tu trouves juste marrant et pas très séduisant. Je veux dire, c'est un peu comme de la chimie, quoi. Mais et je vais te dire un truc, moi je suis sorti avec une fille que je trouvais même plus belle, enfin comment dire, premier abord je fais ouais, et elle me faisait marrer et je fais ah putain, et du coup elle a un charme dans le visage, ouais, tu vois, un truc qui se crée. Après il y a des garçons que je trouve, ou enfin des gens que je trouvais vraiment pas très beaux, pas très attirants, et qui en fait que j'ai trouvé intéressants. Et où après le facteur humour s'est rajouté. Mais moi vraiment c'est toujours un truc supplémentaire. D'accord. C'est d'abord il faut que je me dise oh t'es malin, tu vois, oh tu me. Mais l'humour c'est peut-être aussi une enfin. C'est une grande forme d'intelligence. Voilà, sans vouloir se la branler, c'est. Une forme d'intelligence. Oui. Voilà. Je crois que c'est ça qui. Sauf si peut-être la blague c'est chier sur le tapis. À ce moment-là c'est peut-être moins une forme d'intelligence. Cette blague, ne faites pas cette blague. Je vais faire un tuto pour cette blague pour que les gens comprennent bien le rythme de cette blague. Parce que le rythme est important. Mais c'est une forme de courage. Donc, c'est de l'audace. Voilà. L'audace. Tout le monde a envie de caler des wads à une meuf qui a de l'audace. Allez, ça marche. Voilà le titre du podcast. Ouais, à une époque, j'avais envie de caler des wads à peu près n'importe quelle meuf. Hein. Donc, une meuf qui chie sur le tapis, potentiellement. Même pendant qu'elle chie sur le tapis, j'aurais peut-être bien voulu. Il y a un angle d'ouverture, il y a un angle d'attaque. Et si jamais, par exemple, quelqu'un est super drôle au premier abord, et donc voilà, vous êtes séduit, et au bout de vraiment pas très longtemps, et plus drôle du tout. Arrête d'être drôle. Est-ce que du coup. Ah, ça arrive. Ouais. Ça vous, est-ce que du alors, coup, vous êtes. Enfin, vous détombez amoureux, quoi. Ah, ça dégage direct. Ouais, mais ça. Alors, comment... Il y a une sorte de débandaison. Non, en fait, ça dépend. Comment c'est possible? Vraiment, mais genre hyper rabat-joie d'un coup, et en fait, tu te rends compte que c'est juste quelqu'un d'hyper rabat-joie, ouais, ou c'est juste qu'il a une phase. On tape tous des phases. J'en sais rien. Imagine par quand exemple. Quand ça devient sérieux, peut-être il a peur. Ah, tu vois, ça, devient, ouais, ça fait partie de son attirail de séduction, et qu'après. Ouais, sa méthode de séduction, et en fait, au quotidien, c'est pas vraiment quelqu'un de très marrant. Tu vois, et en plus du coup, il y a pas les vu que c'est ça qui t'a attiré, c'est pas possible. Bah, ça dégage, tu vois. C'est pas possible. Bah, ouais. De toute façon, moi je largue les mecs qui sont pas marrants dans leur texto. C'est horrible. Non, mais c'est très mais c'est chiant. C'est alors, super intéressant. Non, mais c'est très chiant parce que vu que j'ai pas ça le suffit. Non, ça marche pas. Je suis très attirée, effectivement, c'est pas du tout une question de physique du tout. Je suis très attirée par les gens qui ont de l'humour, donc l'intelligence de l'humour plus que l'humour lui-même. Et du coup, je suis très attirée par l'écrit. Okay. En général, et du coup, les beaux textos, mais comme des textos romanesques, comme des textos drôles, c'est horrible, mais c'est une exigence, bah non, en fait. Mais c'est dingue comme non, on se ressent. J'ai envie qu'on sorte ensemble, Lolo, putain, mais qu'est-ce qui nous arrive? Une petite, petite astuce, peut-être. Tu m'as fait une promesse tout à l'heure. Ah, merde, coup, je veux vraiment pécho tout le monde. La meuf, elle est méga chaude, hein. C'est les vacances. Laissez-moi les commentaires. Textos, un texto peut te séduire, d'accord. Du coup, peut-être ouais, que. Mais attends, mais moi j'ai eu plein de relations épistolaires. Ah oui, mais moi aussi plein. Mon plus gros désastre amoureux est une relation épistolaire. C'est un désastre. Je sais pas si un jour je m'en remettrai. C'est le sosie de Zaghi Levenakis, vu que je me. Ah oui. Que des sosies de Zaghi Levenakis. Parce que je veux vraiment sortir avec Zaghi Levenakis. Malheureusement, je ne pense pas que ça va arriver. J'essaye de pas, tu le sais podcast pas. Peut très vite dépasser. Sur le web, ça va très vite. Avec les 6 degrés d'absolument. Pardon, mais je vois jamais. Zaghi Levenakis. Tu as vu Hangover. Le plus connu, ouais, voilà, ça serait Very Bad Trip. C'est le barbu. Le barbu, roux, gros. Roux. Mais celui qui fait un clip. C'est l'angoisse. Celui qui fait un Fiona clip. Fiona Apple. Voilà, c'est ça. J'adore. Ah oui, bah je comprends. Not Bad Love. Il est trop. Ah bah oui, bah lui, ouais. Pour moi, c'est mon fantasme absolu. Et ben, je comprends. C'est le dernier mec avec qui. Je vais prendre Bradley Cooper, je vous le laisse. Hein, vraiment. Mais putain, wow. En fait, il a un. Il a un pour moi, c'est tout ce mec. Je sais plus qu'est-ce qu'on disait, mais. Non, mais que t'étais attiré. Enfin, genre, être attiré non, par les gens qui écrivent bien. Mais qui écrivent bien. Par l'humour partout, et l'humour, il s'insère partout. Mais en fait, t'es attiré par l'intelligence. Ah oui, c'est surtout ça, quoi. Quelqu'un qui s'exprime bien, quelqu'un qui écrit bien. J'imagine que, comme moi, quelqu'un qui t'envoie une faute d'orthographe dans un message Facebook ou texto, ça dégage. Oui, et si moi j'en sais, je peux pleurer d'un mail où il y a un texto, une faute d'orthographe que j'ai pu faire, quoi. Ça me rend dingue. Ah oui, bah pareil, je m'en remets pas. Mais, d'accord, donc vous êtes le taré. Moi, je sais pas écrire, donc vraiment, des fautes d'orthographe à l'appel. Oui, il confirme, c'est chouette. Parce que là, pour le coup, l'orthographe, c'est pas forcément une question d'intelligence, mais parce que vraiment, le correct c'est peut-être effectivement plus que de l'agacement pour l'orthographe, quoi. Oui. Après, la tournure de phrase, la syntaxe, c'est comme l'humour, c'est du rythme. Si t'as pas le rythme. D'accord, putain. Mais c'est très intéressant. Par exemple, l'emoji, c'est une astuce. L'emoji point avec juste après l'emoji avec les trois petits gouttes, ça fait comme une branlette. C'est marrant. Ah bah ça, mais c'est une astuce que je donne. Hypergolerie. Je suis direct, putain. Ou, direct, ou directement une tub en érection enroulée, genre dans du cellophane ou du journal. Ça me fait rire. C'est un peu marrant. Consternant, bah oui. Du coup, peut-être c'est un peu séduisant. Ah oui, oui, ça pourrait vraiment. Et moi, je voulais te poser une question à Lolo, particulièrement à Éléonore, parce que. Éléonore, on va pas spoiler ta vie, mais tu fais des blagues très sur les proutes et le caca. Tu aimes beaucoup ça, parce que on parle d'humour, on parle d'être lourd. Est-ce que quelqu'un qui serait très vite agacé par le fait que tu lâches des caisses ou ce genre de choses pourrait vraiment tu lui dis, bah je t'emmerde, va chier bien dans ta race sur un tapis par exemple. Quelqu'un, tu veux dire quelqu'un dans quelqu'un ta qui vie accepte, intime. Oui, dans ta vie intime, parce que j'imagine que tu ne viens pas en lui pétant dessus pour le séduire. Oui, hein, mais parce que pour le coup, un mec qui a peur de l'humour chez une femme, moi ça m'énerve parce que je ne suis vraiment pas comme ça. Mais, et je ne suis pas non plus comme quelqu'un qui peut être vénère contre de l'humour un peu plus gras, mais je peux bizarrement plus le concevoir, tu vois. Parce oui, que je me comprends. Dis, il y a un truc de romantisme qui peut être cassé. Alors, ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est parce que tu es quand même l'auteur et réalisateur de La Levrette Romantique et du Paix. Et du Paix, c'est sûr. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mes relations amoureuses, je suis la meuf la plus romantique qui soit. C'est-à-dire que jamais de ma vie, je n'ai pété. Oh non. Moi, je suis et pas pourquoi d'accord. Parce que, après, moi, c'est mon éducation, c'est la belle du Seigneur, Albert Cohen, tout ça. c'est c'est ma manière de voir les choses. Ça me fait immensément rire si l'autre pète, ça me fera toujours rire. Mais moi. Immensément épais dans la même phrase. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que je me lâche autant après dans mes sketchs et tout, parce que c'est le truc qui me fait le plus rire. Ouais. Avec mes potes, je pète souvent, mais ouais. Mon couple, c'est mon petit cocon à moi et c'est quelque chose d'un tout petit peu sacré où je reste une femme. D'accord, pas donc une par femme exemple, sexuelle, par exemple, une sensuelle. Question. D'accord, très bien. Mais je crois qu'Adrien n'est pas du tout d'accord. Non, mais ah en non, fait. Mais tu peux... Enfin, il n'avait pas la même conception. Ouais, en tout cas, non, pas moi, d'accord, moi pas je ça, trouve que pour moi, c'est une aberration de. Et là, on s'éloigne même de l'humour, mais de ne pas péter dans un couple. Non, mais c'est vrai, parce que en fait, le truc, c'est que quand tu es en couple. Ta prochaine émission, là. Quand tu es en couple et que. Soit. Enfin, de manière plus ou moins sous-entendue, tu te promets de passer. Le restant de tes jours avec quelqu'un, si tu t'autorises pas à péter devant, tu dis ouais mais enfin je veux dire je vais vieillir, je vais me, mais ça, t'as raison, mais... je vais peut-être chier dans mon ben quand j'aurai 80 piges quoi, et tu seras où si même tu peux même pas accepter que je pète devant toi quoi. Ah non mais en revanche parce c'est, que je veux dire c'est accepté. Ouais mais je veux dire si l'amour c'est quand si t'es amoureux, si t'aimes quelqu'un, si tu veux partager ta vie avec quelqu'un, tu oui. Bah tu vois t'es quand même. Oui, t'acceptes derrière, l'entièreté de la. Je veux dire, oui, tu te caches pas derrière un truc de. Oh non, mais elle pète pas parce qu'elle le fait pas devant moi, quoi. Oui, mais toi, t'en es non, fier, mais... c'est encore autre chose. De quoi? Oui, tu vas péter. Fier. Tu vas me dire que tu lâches une caisse et que ta journée continue. Tu vas pas faire un petit. Bah, si ça, non, mais... si ça provoque l'hilarité, j'en suis fier. Si ça provoque l'énervement, j'en suis encore plus fier, comme c'était le cas hier. Oui, faut, non, on mais peut après, le dire, il a lâché une caisse et on était en tournage. Et ça oui, a énormément énervé Hakim Omiri. Ça puait très grâce. Fort, en fait. Et vraiment, parce que, non, mais parce que ça puait la merde. Oui. Pour ça. Non, mais... Il y a un contexte, quand même. Adrien, je suis complètement d'accord avec toi que c'est un peu con. On est censé partager notre vie, etc. Ceci dit, tu vois, je nique pas ma vie. Si j'ai envie de péter, je vais péter. Je le dis, écoute, je vais aller péter. Mais juste, bah, je le fais pas devant, comme je ne vais pas chier devant lui. Ou pisser la porte tu vois. Mais je vais pas me rendre malade. Et voilà, ou se branler à et gauche. Si ça arrive, ça me fera rire. Si ça arrive, ça c'est pas rire, un drame. Pas si ça arrive. Mais sinon, non. Ah, moi, je vomis. J'ai envie de garder moi, je vomis ce immédiatement. Petit truc, Moi, je déteste les paix, quel que soit le sexe, donc tout va bien. Je trouve que c'est bien de garder une certaine forme de romanesque, n'est-ce pas? Ouais, bah, là, de toute façon, là, on s'éloigne un peu non, du, mais c'est du un sujet, quoi. Oui et non, oui et non. C'est plus un débat sur le romantisme et le couple. C'est mais vrai. Ça serait intéressant, d'ailleurs. Mais ça serait intéressant. Très, très intéressant. Vraiment sur le paix et le romantisme? Franchement, moi, je trouve c'est vraiment le romantisme aujourd'hui. Ouais. On va pas tarder à couper. Et du coup, on va faire un dernier petit tour de table pour savoir vos actus, ce que vous faites en ce moment. Clara, toujours chez Golden Moustache, tu écris toujours? Oui, tous les mercredis. Un voilà. Top sémillant sur le cinéma. Voilà, sémillant, l'adjectif est lancé. Vanessa, tu travailles sur plein de trucs chez Bagel? Oui, toujours, à la voilà, rentrée. Plein ça de va trucs, être excellent. Plein de projets super sympas. Plein de projets. Tu joues dans des trucs aussi qui vont arriver ou non? Pas trop prévu Oui, dans un truc en septembre. et pas le droit d'en parler. Oui. Ah, c'est ce truc-là. D'accord, ok. Et en vrai, je sais ce que c'est. Ouais, j'avais entendu et je savais pas si c'était sûr. Ouais, un truc, ouais. On peut dire que c'est sur Internet et que ça a la rentrée. Ça va être sur Internet et je sais pas quand en tout cas, mais en tout cas, ça va être pour Internet. Voilà. Et voilà. Oui, et oui, puis, non, des projets. Il y a un programme Studio Bagel sur Canal+ qui vient d'être annoncé. Et il y a ah oui, c'est vrai que ça a été annoncé. Ça a été annoncé, donc on peut le dire. On peut le dire. Du coup, voilà. Oui, il y a un programme à la rentrée sur sur Canal le dimanche soir, un programme avec tous les gens de Studio Bagel. On est hyper contents. Voilà. Hyper content. Voilà. Ça va vraiment être cool. Ouais. Adrien, toi, tu as enchaîné un petit peu les tournages en ce moment. Oui, pour un projet dont je ne peux pas trop parler et qui arrivera dans les mois à venir, j'espère. Voilà, mais un joli projet, un gros projet. Je peux dire un projet Golden Moustache, je ne peux pas trop dire. Je peux aussi dire qu'on a bossé ensemble dessus, voilà. On a écrit dessus avec d'autres gens vraiment cool. Voilà, et on espère que ça plaira aux gens. Là, je suis encore dessus pendant un mois. Yes. En post-production. Et sinon, comme j'avais déjà dit sur Twitter, mais donc là j'ai passé une année en tant que directeur artistique de Golden Moustache. Du coup, mon actu, c'est que j'arrête de faire la direction artistique de Golden Moustache et que je vais rester en tant qu'auteur, en tant que comédien, mais je quitte le poste de direction de directeur artistique fin août. Voilà. Voilà. Et du coup, bonne nouvelle, c'est que techniquement, on aura plus de sketchs d'Adrien Méniel l'année prochaine. En principe, je vais plus écrire, je vais plus jouer. Plus ça qui m'intéresse, quoi. Voilà, donc je vais plus me consacrer à ça et espérons que je ferai plus de trucs. Ouais. Inch'Allah, j'ai envie de te dire. Chips, tout simplement. Eleonore, toi, ton actu. Moi, je vais plus me concentrer sur la musique à partir de la rentrée, à un projet aussi de série avec Vanessa en septembre. Et voilà, continuer dans ce mood-là, plus de réalisation, peut-être un peu moins de jeu, peut-être plus d'écriture. Ouais. Et voilà. Ouais, t'as fait toi, puisque c'est vrai que t'es comédienne à la base. À la base, mais du coup, c'est l'année dernière, t'as avec le lab et même sur YouTube, t'as fait sous-titre moi. Il y a d'autres choses qui se dessinent et qui me plaisent peut-être beaucoup plus. Cool. Voilà. Chambé. Et toi, Flo, c'est quoi voilà. Oui, toi, Flo, alors. Vraiment que des surnoms. sur récré à deux. Non, ouais, moi, l'actu, pas pareil, pas grand-chose. Des sketchs, je travaille sur plein de projets cool. Certains ont été dits autour de la table. J'en dis pas plus, c'est la folie. Et voilà, non, plein de trucs vraiment, vraiment, vraiment sympas. Et je voulais en profiter pour ceux qui étaient au cinéma, à la séance Golden Moustache, pour vous remercier. Voilà, c'était vraiment chouette, en fait, de vous voir, de vous entendre rire aux blagues. Voilà, je pense pouvoir parler aux gens, au nom de tout Golden Moustache, Lolo, Adrien, oui, n'hésitez oui, pas. Oui. À ouais. Voilà, c'est, vrai, c'est vraiment, en fait, ce genre d'événement qui, moi, me fait dire que c'est vraiment le meilleur travail du monde, même si je trouve mon travail de base incroyablement cool. Mais voilà, vous entendre réagir, c'était vraiment incroyable. Donc merci d'être venu, merci du soutien en général. Donc vraiment, ça fait vraiment plaisir que vous réagissiez, que vous regardiez. Voilà, ça fait un peu pompeux, mais c'est la stricte vérité. Et voilà, je voulais vous le dire, parce que je n'osais pas trop vous le dire quand vous étiez en réel devant moi. Donc dans un podcast, c'est plus facile. Voilà, bah écoutez, ouais. Merci beaucoup. On va essayer de se retrouver vite, qu'il y ait moins d'espace entre cette émission et la prochaine que... La dernière qu'on a faite est celle-ci. Je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus régulier. On était sur plein de gros projets, plein qui arrivent à la rentrée, qui j'espère vous plairont. Du coup, on avait moins de temps avec Adrien pour organiser ça. Mais là, on va avoir un peu plus de temps libre, donc ça va être vraiment cool. J'utiliserai d'ailleurs l'adjectif champ max. Coolos. J'avais coolos. Pas mal. J'espère que ça vous a séduit. Je vous fais des gros bisous et bien à la prochaine. Au revoir tout le monde. Ciao. Bye.